Question 8. Ce moyen de contrôle permet de mesurer de manière précise mon taux d'alcool dans le sang. Oui, réponse A. Non, réponse B.